Je tourne à gauche. Je mets le clignotant gauche, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je serre l'axe central, réponse C. Je passe sur la voie de gauche, réponse D.